Bonjour, direct du 5 novembre, samedi le 5 novembre. Donc, vous me direz s'il y a du son. Il n'y a personne pour l'instant. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, oui, ben, on va pouvoir en parler de ce que vous voulez. Il va bien falloir. Hein? Ça va toujours être bon. Ben, il n'y a personne. On va attendre encore. Oh, il y a une personne. Bonjour, Mimi. Vous me direz si le son est correct, parce que j'ai eu un petit accident avec mes micros. Donc, ça se peut qu'il marche mal. Donc, c'est ça. Un accident de café. Donc, 5 personnes. Il y a du son. Bon, le son est OK. Bon. Qu'est-ce que je voulais parler donc? Je m'en souviens pas. S'il y en a qui a des choses, vous avez vu là, ma petite vidéo, mon horloge, c'est pas, il n'y a pas de quoi paniquer, puis ça donne rien d'avoir peur non plus. Bonjour, Bob. L'affaire, c'est que bon, tout est en place pour qu'on ait une crise économique, tout est en place pour qu'on ait une guerre. Puis bon, minuit. Anciennement, quand les gens se couchaient plus tôt, se levaient à l'aube, c'était le milieu de la nuit. Puis, bon, ça veut dire qu'on a la moitié de fête au fond. Bonjour, Malia. C'est la première fois que je vous vois. Donc, c'est ça. Il n'y a pas. C'est pas la fin, là. Au contraire. Bonjour, Stéphanie. Ah, il y a beaucoup de gens que j'ai jamais vus. Marie, bonjour. Donc, c'est pas, il n'y a pas de quoi paniquer. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Puis, bon, c'est juste que, bon, ça, on peut se douter qu'il y a des gens qui vont vouloir se débarrasser du bois mort. Donc, vous vous doutez bien qu'après, bon, les 2 ans qu'on vient de passer, pour se couvrir, il va falloir camoufler ça avec d'autres crises. Donc, bonjour Marie. Donc, une autre Marie. Donc, bon. Aussi, qu'est-ce qui se passe dans ces temps-ci? Moi, j'ai écouté un peu. C'était-tu toi avec la sable, oui? Ben oui, c'était moi. C'est parce que ça fait 2 ans, j'avais les cheveux longs. On ne pouvait pas aller chez le barbier. Donc, j'étais rendu les cheveux longs. Donc, voyons, qu'est-ce que je peux. Vous m'avez fait perdre le fil un petit peu. Oui, les farfadets, il y a encore des sorties. J'ai écouté le témoignage de Steve l'artiste charlant devant la commission. Puis, bon. Bonjour, Mazou. Donc, bon, j'ai écouté ça. Puis, il y en a, ils ont dit, oh, il parle bien, c'est un bon orateur. J'ai pas trouvé ça bon. Mais vraiment pas. Puis il dit que bon, il a dit des affaires que bon, si on regarde les sorties qu'il y a eu dernièrement, on voit que ça se tient pas. Puis personnellement, moi je crois plus les gens qui ont fait des sorties dernièrement, ça se tient tout. Puis on apprend que ah bon matin, elf, elf, en tout cas. Là, on apprend des belles. Il y en a qui commencent à parler plus. Steve Charland, Dieu lui parle. C'est un prophète. C'est un prophète. C'est le même problème qu'avec les extraterrestres. Tout le temps, du monde pas d'allure qui. Bon. Hein? Bon matin. Les midterms la semaine prochaine. Ben oui, aussi, ça risque de brasser un peu. Le même jour, il y a comme par hasard une pleine éclipse. Ah oui. Bon, ben là, ceux qui s'intéressent à ça, une éclipse comme un point noir qui traverse la Terre. Donc, bon, ça peut être intéressant pour, bon, regarder ça d'une façon différente. Là, on est dans le mois de novembre. La Toussaint est passée. Puis, alors, bonjour, Michael. Puis, le mois de novembre, bon, là, on était en lune grandissante, je pense. En tout cas, on peut se douter hein, que, bon, puis on dirait qu'il y a de la. Il y a de la géo-ingénierie, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il fait anormalement chaud. Puis, ce que je regarde là-dedans, c'est que possiblement, admettons que l'hiver arriverait d'un coup, d'une façon inattendue et très violente, ça serait possiblement stratégique de faire ça comme ça par rapport à, bon, la psychologie de masse. Bonjour, Nadia. Donc, bon, c'est quand même intéressant. Ben, intéressant. C'est au niveau de l'observation, on va observer ça. Bonjour, Valérie. Bonjour, Keto Warrior. Bon. Donc, est-ce qu'il y a des affaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez parler? Parce que, bon, dernièrement, on m'a demandé de me prononcer sur des choses, mais bon, le timing est moyen. Mais c'est clair que, bon, on s'en va vers. Ouais. Il y a Chrystia Freeland qui a prononcé le mot en R à l'Assemblée nationale. Ben oui, c'est. Bonjour, de retour. Non, ben, j'avais dit que je ferais un live. Je fais toujours un live le samedi. Un direct, j'en fais tout le temps le samedi. Puis là, ce matin, je me suis levé vers 6 heures du matin, puis j'ai écouté, voyons, encore une sortie de Farfadet, mais lui, je l'avais déjà écouté avant. Puis là, c'est Touski TV. Puis, bon, ouais, ça m'a quand même affecté, ça, c'est peinant. C'est vraiment peinant. Pouvez-vous donner un cas pratique de l'observation? En quoi cela consiste? Ben là, c'est pas compliqué. C'est, dans le fond, je veux dire, l'observation, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'observation psychologique? Non, pas du tout. Mais l'observation, il y a une certaine passivité active. Mais ça dépend, là. Ça prend, donner un exemple comme ça. Je vous ai laissé un lien sur votre vidéo. Le ninja, non, pas du tout. La Commission européenne a convoqué le PDG Pfizer, mais celui-ci a refusé de. Oui, j'ai été voir un petit peu. Ben, c'est évident que ça allait être comme ça. Puis, en plus, la dernière fois, il avait envoyé quelqu'un pour représenter la compagnie, puis ça a été. Bon. Donc. De toute façon, Pfizer, c'est des multirécidivistes condamnés souvent. Ils savaient avec certains médicaments que ça causait des morts, mais je veux dire, c'est une corporation, là, c'est faire de l'argent. Puis, bon, peut pas faire confiance, surtout cette. En tout cas, j'ai commencé à allumer les cheminées, salon, salle à manger dans ma chambre. Ah oui, vous en avez des cheminées? En tout cas, maintenant, pour ce qui est de l'observation, bon, ben, premièrement, il faudrait sortir ce qu'on pourrait appeler l'observation psychologique. Puis, c'est très difficile à définir, dans le sens que, bon, ça vous est sûrement arrivé de faire de l'observation réellement objective, mais habituellement, ça arrive quand les gens sont dans un coup dur, extrêmement dur. Ils vont vivre pour se protéger psychologiquement des phases de dépersonnalisation. Puis c'est là que l'observation peut se faire, une vraie observation objective. Puis des fois, oui, on se fait manipuler au niveau de nos pensées, comme on se dit des choses des fois désobligeantes, mais parfois, si on l'observe réellement, on se rend compte qu'il y a du vrai. Il y a du vrai. Donc, en tout cas, observer ses pensées. Pouvez-vous décrire les étapes? Il n'y a pas d'étapes. C'est ça l'affaire. C'est parce que, justement, il n'y a pas de recette, là. Mais observez vos pensées, je veux dire, tout le monde le fait. Bonjour, Rizia. Ah, Nadia, le mot en R, c'est récession. J'ai vu ça aux nouvelles. Les gens disaient, ah, oh, Chrystia Freeland, elle a prononcé le mot en R, comme si c'était tabou. Mais bon. Entre vous et moi, ça fait un bout de temps là, que ils vont continuer à monter les taux d'intérêt. Dans le fond, ils accélèrent là. Comme de raison. C'est toujours économie car le gaz n'arrête pas de monter. Ben oui, Ben, c'est pour ça que j'ai investi dans le gaz dans les derniers mois. Ça m'a aidé parce que, bon, j'ai eu des problèmes avec une minière. Ben, en tout cas, elle a eu des problèmes. Mais bon, ben oui, c'est certain que le gaz va continuer à monter. Vous avez vu, les Russes ont accusé les services anglais d'avoir fait sauter le gazoduc. C'était évident que, bon, ça faisait même pas une minute que ça s'était produit, que, comment que ça, Liz Truss, que je trosse pas, Liz Truss, elle avait appelé les Américains, puis pour du bord, ben, c'est fait. Tu sais, on le voit, puis là, après, ils accusent Poutine de faire une guerre énergétique. Ben oui, correct. Bon, il dit donc. Mais vous savez, c'est sûr, le gaz va continuer de monter. Ils disent dans 2 mois que, par exemple, pour la gasoline, là, pour les voitures, que ça va atteindre 2 piastres et 30, 2,30 $ canadiens. Là. Moi, je vous prédis que ça va finir à 5 piastres. Pas dans 2 mois nécessairement, un petit peu plus loin, mais ça va se ramasser à 5 $. C'est sûr. C'est certain. Il est arrivé de quelqu'un. L'autre jour, j'étais allé faire l'épicerie. Puis, faut faire l'épicerie avec des machines. Puis, c'est des hosties de machines qui comprennent rien. C'est vraiment pas intelligent. C'est vraiment fait d'une façon stupide. Tu lèves une boîte, puis t'armais pour la mettre dans le sac. Puis, un article inattendu dans la zone dans sa charge. Puis là, il faut que la gérante vienne débarrer la machine. Puis là, je disais, le prochain coup, s'il n'y a pas une caisse d'ouverte, moi, je revire de bord. C'est bien de valeur, là. C'est pas vrai que je vais faire mon épicerie dans des conditions comme ça. Bonjour, Marine. Puis elle me disait, ben oui, mais si monsieur, il manque de personnel. J'ai dit, Chris, c'est pas vrai. C'était pas vrai. Il y avait une quinzaine d'employés. Puis il était quatre pour surveiller les machines, pour les débarrer, parce que ça marche jamais, puis c'est tout le temps bloqué. Ça vous tente pas d'ouvrir une caisse? Dans le fond, c'est des ordres de la maison mère pour nous habituer à traiter avec des machines. Bonjour, Lucie. Donc, finalement, c'est pas lié à un manque de personnel, c'est des directives qu'ils ont. Puis au Québec, ben, les épiceries, c'est un monopole. Ça appartient tout au même groupe. Toutes les épiceries, que ce soit bas de gamme un peu, là, comme Maxi ou Loblaws ou peu importe, là. C'est tout un monopole. Puis, c'est ça. Ils sont en train de nous conditionner à faire affaire avec des machines. Puis, bon, j'ai trouvé ça vraiment stupide. Monsieur, il manque de personnel. Vous êtes quatre, là, pour venir débarrer les machines, pour venir les. Ça vous tente pas d'ouvrir une caisse? Oh, là, ils viennent, ils savent plus quoi dire, mais c'est extrêmement déplaisant. Faire l'épicerie est devenu quelque chose d'extrêmement déplaisant. Puis, bon. Puis c'est toujours, bon, on peut se douter que s'il y a une crise économique, puis on va se ramasser en économie de guerre, peut-être avec des tickets de rationnement. Donc, bon. Il ne manque qu'une étincelle pour tout déclencher, et voilà. Moi, quand je dis il est minuit, ça ne veut pas dire il est minuit, mais tout est en place. Est-ce que ça viendra de Biélorussie, de Taïwan, de Corée du Nord? Bon, on se doute que dans le Pacifique, bonjour. Cannelle, là, je ne vous ai jamais vu. On se doute que dans le Pacifique, ça va barder. Ça va barder dans le Pacifique. L'Europe de l'Est, bon, d'après moi, ça devrait tout se déclencher en même temps. Ben, on se retrouve à faire le travail des secrétaires, des centres de tri, des pompistes, des caisseurs, et voilà. Et voilà. Puis c'est pas parce qu'il manque de personnel tant que ça. Ben oui, on fait ça gratis, vous savez. Moi, je considère que c'est quand non seulement, puis je veux dire, on paye aussi pour un service. Je veux dire, si les épiceries ou certains commerces font un profit, entre autres, bon, il y a une partie de ça qui est absorbée du fait qu'on reçoit un service. Mais là, on reçoit moins de services, puis les prix ne changent pas. Les marges de profit ne changent pas. Ah, bonjour, Miss May. Bob, on est à côté dans le mur. Bah ben, oui. C'est pas si pire. Mais bon, on commence à être habitué. Je vous rejoins, Marie-C. Ah, j'avais pas vu. On fait ça, ben oui. Bonjour, Miss May. Donc, Je veux dire, tout est vraiment en place, hein, pour le monde nouveau, qui est un monde dont je veux rien savoir personnellement. Je n'ai jamais prêché non plus. Bon. Mais il reste que on le fait qu'on soit d'accord ou pas, n'empêchera pas rien. Donc, bon. C'est comme ça. Mais c'est. Comment je pourrais dire ça? Il risque d'y avoir des imprévus, ça ne marchera pas nécessairement comme. Avez-vous vu ça dans le Journal de Montréal? Il y a des chroniqueurs qui ont retourné leur veste, là. Tout d'un coup, sont critiques des mesures, puis bon, bon, bon, bon. C'est quoi, vous avez la chienne? Je veux dire, tous ceux qui ont été collaborateurs de ça, vos noms sont tous notés. Il y en a qui ont fait des listes. Puis que vous aurez beau à essayer de revirer votre veste, dire le contraire, ou essayer de vous mettre sur le côté de la masse, ça ne marche pas, là. Ça ne fonctionnera pas. Il y a Elon Musk qui a tweeté que Denise Bombardier était due pour aller en psychiatrie. Bon, c'est pas ben, ben plus brillant que Divisio qui avait dit que Ursula von der Leyen est folle. Denise Bombardier, c'est pas un cas de psychiatrie, c'est simplement de la collaboration, de la malhonnêteté. Même, j'irais jusqu'à dire, on sent une certaine méchanceté. Elle est due pour la retraite, pas pour aller à l'asile. En tout cas, Elon Musk. J'avais pas remarqué ça, son armure. Il a une tête de bouc directement sur le plexus solaire. Tout est normal, tout va bien. Ce gars-là, c'est un génie. Il titre encore dans les journaux l'homme le plus riche du monde. Pardon. Pardon, mais les Rockefeller, les Rothschild, il n'y a plus personne qui compile leur fortune. Donc, c'est oh, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Oui. C'est un génie, hein? C'est un génie. Un cabochon, tant qu'à moi. Ça n'empêchera rien, mais individuellement, ça peut changer les choses. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça ne donne rien d'avoir peur. Puis, aussi bien se préparer un petit peu, être averti. Moi, c'est ça mon point. Être averti, c'est pas pour faire peur, là. Ça donne rien d'avoir peur. Le problème dans le rationnement, c'est qu'il faudra consommer des produits impropres à la santé. Ce ne seront que les seuls disponibles pour la masse. Moi, ça dépend. Il y en a qui sont assez bien organisés. L'affaire, avez-vous vu ça? Il y a des écoles primaires où on habitue les enfants à manger des insectes. Je suis content de ne pas avoir d'enfants. Parce que moi, ça mange, ça irait pas bien, là. J'aurais des sérieux problèmes parce que c'est bien de valeur. Je pense que j'aurais fait une crise. Je serais allé à l'école, je disais, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non. D'après moi, non, au Québec, non, c'est pas au Québec. Mais ça va venir. Ça va venir. Peut-être que oui. Ça peut, je veux dire, je ne suis pas au courant de tout, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Mais faire manger des insectes aux enfants pour les habituer au monde du futur, là, regardez, là. Si vous regardez la dentition d'un être humain, c'est un omnivore, ce n'est pas un insectivore, point. On n'a pas le système digestif pour ça. Bon, je le sais que, bon, comme en Corée, ils aiment bien la soupe aux vers à soie quand c'est la saison, des choses comme ça. Mais là, des vers de farine pour nourrir des oiseaux de volière, non. Non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que c'est ça? Nunu, munu, nunu, munu. Ah, je vois pas ce que vous voulez. Mais il reste que bon. Moi, je vous dis, si ça continue, ils vont vouloir. Il va vouloir que, ben, prenez Bill Gates, lui, il veut qu'on mange nos excréments. Ça serait plus sain de manger Bill Gates. Hein? Quelqu'un de même, ça s'arrange de la même façon qu'un cochon, puis ça se cuisine de la même façon. C'est plus sain que manger des bébites. Là, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour le cannibalisme, ça n'a rien à voir, là. Faut pas sortir ce que je dis du contexte, mais si on compare du malsain avec du malsain. En tout cas, je trouve ça moins contre nature. En tout cas, une boîte de dégustation d'insectes disponible pour découvrir. 49 piastres disponibles au Biodôme. Oh, parle Daniel Vézina, c'est-tu que je l'aime pas, lui. comme il y en a une couple, là, je veux dire. Ouais, la nouvelle cuisine, calisse que c'est de la merde. Puis l'autre, là, même l'autre qui s'est mis millionnaire à vendre des cochonneries faites Eric Ardoche, là. Des fois, il fait des affaires, là, c'est à se demander s'il y a une formation. En tout cas, être dans sa propre énergie pour éviter les siphonnages d'énergie dans le collectif, et voilà. Ben oui, un bon steak de maringouin cet été, en été, ouais, c'est parce que là, ça va en prendre beaucoup, hein. Ben donc, allô, bon samedi, bonjour Blue Shadow, mazou mazou. Si certains personnages publics commencent à retourner leur verse, car je pense qu'il y a une vague de dénonciation qui arrive, donc ils assurent leur arrière. Ouais. Puis je l'ai regardé, là, Steve Charland, là. Peut-être ça marche avec certaines personnes, là. Il y a Dominique Jasmin de Repentigny, là, Actualité politique du Québec, là, qui n'a pas l'air de comprendre c'était quoi Steve Charland, dans le fond. Là, c'est rendu, il y a des sorties. Hey, Dieu, il parle, là. Là, ça va faire. Ça va faire, là. Non. Puis il y en a même qui disent la Louve, c'est pire que lui, là, sa conjointe. C'est bien possible. Ça ne serait pas la première fois qu'on voit ça, là. Prenez ce qui est arrivé avec Osho, ben Gwen Rajneesh. À la fin, lui, quand il était sur la drogue, puis en train de crever du sida, puis complètement perdu, c'est une femme qui menait toutes les attentats qu'il y a eu en Californie à la salmonelle dans des buffets, puis pendant que lui, il collectionnait des Rolls-Royce, puis il y en a bien, ils ne savent pas, il est mort du sida, ben Gwen Rajneesh. C'était tout un party. Gang de. Moi, en tout cas, c'est triste, là. Ah, bonjour Didier. Monsieur Duchesne. Blue Shadow. Charlin Trou du Luc, moi. Ben oui, mais là, c'est parce que ça marche plus, là. Bon, déjà là, il a servi, là, c'est clairement une espèce d'idiot utile. Mais toutes les sorties qu'il y a de Farfadet qui dénoncent des affaires, là, les médias n'en parlent plus. Ben non, dans le temps, là, qu'il y avait une certaine crédibilité puis qui servait à salir les gens qui s'opposaient par association, là, les médias, là, ils bâchaient dessus. Puis là, maintenant qu'il y a des choses qui sortent, puis il y en a pas mal, les médias, pas un mot. Ben non, ils nous parlent de sa performance à la commission, puis bon, gars, il est brûlé, lui. Il est brûlé, lui. Ça va faire qu'est-ce qui marche actuellement? Ben, ça dépend de quoi vous parlez. Qu'est-ce qui marche? Tout marche. On est encore. Ça va encore bien. Moi, je trouve que ça va pas pire. J'ai entendu hier une journaliste demander à un médecin si les vaccins pouvaient abaisser le système immunitaire. Il n'a pas répondu. Ben, vous voyez comment ils se surveillent? Ils ont peur, hein? Ben, dans le sens que lui, il ne s'est pas fait voter une immunité à l'Assemblée nationale comme les politiciens. Puis par après, bon, en plus, là, je pense à aller manifester devant le collège des médecins. Ben franchement, là, la désinformation, le lavage de cerveau. Ben, moi, je trouve que ça le vend dans les voiles, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça, bon, moi, quand ça avait commencé, le convoi des camionneurs, je l'avais dit, j'ai dit, ça va se retourner contre les gens, puis ça va être une grosse déception. Une grosse déception. D'ailleurs, je ne sais pas, sont-ils assermentés à Ottawa, ceux qui vont témoigner à la commission? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que Charlin, il se parjure, là, si on se fie à certains témoignages. Parce que lui, il est allé dire, il a répondu à la question s'il avait communiqué avec d'autres organisateurs, il a dit non. Puis pourtant, il y a des gens qui ont fait des sorties de dire oh, non, il a rencontré Pat King, puis... Donc, en plus, c'est super jeu, puis bon. Les gens trouvent tellement que c'est un bon orateur, hey. Un instant, là. Toute civilisation assez barbare. Ouais, mais techniquement, le barbare, c'est une force qui vient de l'extérieur, d'habitude. Souvent, c'est du nord vers le sud. Les barbares, même en Extrême-Orient, prenez les Mongols, les Manchous, ils venaient du nord. On dit, il y a souvent un axe nord-sud. Hein? Prenez l'opposition au communisme ou des frontières militarisées. C'est souvent séparé entre le nord et le sud. Prenez Corée du Nord, Corée du Sud, Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. C'est souvent des axes nord-sud, est-ouest. Ouais, ben en plus, c'est que ça correspond à certaines lois. Certaines lois subtiles, je parle des lois naturelles, là. Donc, ouais. Prenez dans la mentalité chinoise, la tortue noire qui est placée au nord, elle se passe sous le dos, puis elle est symbole de connaissance, mais aussi de, bon. En tout cas, ça vient, des fois, ça devient compliqué à analyser tout ça. Mais il reste que, même, c'est même pas de l'analyse. Soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a vraiment rien à comprendre. Soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Puis oui, mais comme si on regarde le Canada, les États-Unis, ce serait nous qui sommes au nord, mais là, pourrait parler d'un axe inversé. Mais souvent au sud, on est plus pauvre qu'au nord. Prenez l'Italie. Le sud et le nord, c'est très différent, très différent. Pas le même niveau de vie, tout à fait. Les petits villages pauvres sont au sud, tandis qu'une belle ville comme Florence va être dans le nord. C'est bon. Il y a des parents qui demandent des comptes au procureur dont les enfants qui sont morts à l'attentat de Nice, car tous ceux qui sont morts dans cet attentat, on a prélevé leurs organes. Moi, ouais. Ben, c'est souvent. Moi, je n'ai jamais signé ma carte de don d'organes. Je n'ai jamais fait de don de sang non plus. Pourquoi? Ben, parce qu'ils font de l'argent avec ça. Le placement est revendu à des compagnies. Puis bon, non, il n'y en est pas question. En plus, je suis donneur universel. Moi, s'ils veulent mon sang, il va falloir négocier ça au culot. Un culot de sang, ça ne sera pas gratis. Puis même là, ben voyons donc. Ben oui, moi, ça ne me surprend pas. Ils font ça en Chine. C'est comme si. Il y a des gens qui ont une vision mécaniste. Donc, c'est des pièces détachées. Pourquoi qu'il est interdit de vendre ou d'acheter du sang? Pourquoi qu'il est interdit? Hein? Il y a des choses qui ne se vendent pas. Ou qui, même là, si ce n'est pas vendu, là, il reste que, bon, ça n'a pas de bon sens. C'est n'importe quoi. On pourrait parler de profanation de cadavres, là. Toute la profanation de cadavres à un moment donné. Bon, c'est pas plus intelligent de retomber comme à la Renaissance où il était interdit d'ouvrir un corps parce qu'il était sacré, puis qu'il y a des gens qui mouraient de crise d'appendicite. C'est pas plus intelligent. Ben, c'est le juste milieu, le discernement, puis la sagesse, c'est souvent juste milieu. Donc, ni basculer d'un côté ni de l'autre. Mais l'Église interdisait d'ouvrir les corps. Il y en a un médecin qui est allé contre l'Église parce que lui, il voulait guérir les gens, il voulait comprendre la maladie, puis il faisait des autopsies, puis c'est Dom Baronio Vincenzi. Puis ils l'ont passé en procès, ils l'ont torturé, ils ont cassé toutes les. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. C'est pas mieux, ça, là. C'est vraiment pas mieux. Ah ben, je ne sais pas pourquoi vous me dites merci, mais bon, de rien. Vous savez, c'est pas grand-chose. Ben, peu importe ce que j'ai fait, là, ou ce que j'ai dit, c'est jamais grand-chose. Jamais. Sans consentement, c'est les parents qui ont découvert ça. Ah oui. Vous voyez, là, qu'on me fasse à croire que l'Union européenne, c'est pas une espèce de dictature socialiste qui ressemble à l'Union soviétique. C'est pas mal ça, là. Puis, c'est de la dictature, ouais. Si vous prenez du monde comme Klaus Schwab, puis Ursula von der Leyen, c'est pas des Latins, hein, qui mènent. Encore eux autres. Puis, bon, c'est jamais bon signe, ça. Bon, il y a aussi, au niveau de la finance, il y a des Italiens qui trempent pas mal dans. Bon, mais eux autres, bon. Un coup à part, c'est une dictature. Bien, certainement que c'est une dictature. Moi, je trouve que ça ressemble à l'Union soviétique. C'est à ça que ça ressemble. Puis là, ben, les gens sont considérés comme de la ressource, les ressources humaines. Donc, les organes, c'est vu comme des pièces détachées, comme pour des voitures. C'est vraiment épouvantable. Épouvantable. Si ça, c'était arrivé en Angleterre, là, il y aurait un gros, gros, gros scandale, puis il y a des têtes qui tomberaient. Mais comme c'est en France, prenons en France, même au Canada, on a des statistiques de gens décédés, qui seraient décédés par des accidents vaccinaux. Mais en France, aucun. Zéro. Il y a des décès partout dans le monde, sauf en France. C'est enrageant. C'est enrageant. Vous savez, c'est bien beau le patrimoine, puis tout, là, mais le palais de l'Élysée, la foule pourrait maganer ça un peu, hein? C'est peut-être tant qu'à faire. Parce que, ben, prenez quand la foule avait incendié le palais de Saint-Cloud, le château de Saint-Cloud, oh, que c'est donc triste le patrimoine. Oh, qu'est-ce qui est le plus triste dans le fond? Même nous, on est une marchandise dès que notre certificat de naissance a été mis. Oui, ben, c'est de la gestion des ressources humaines. Ça revient au même que d'avoir un numéro de série tatoué sur le poignet. Puis de toute façon, ça va arriver à ça. Vous savez, dans les camps, on tatouait des numéros de série sur les poignets, mais un jour, ça va être la technologie va faire que bon, ça va être autrement. Mais ça revient à ça. Puis si la planète va être un camp de concentration à ciel ouvert, si ça continue, si ça n'est pas d'imprévu, puis je voudrais aller vivre en Alberta. Qu'en dites-vous, tout le monde? Je ne le sais pas. En Alberta, ben, si vous êtes quelqu'un qui aime pas trop le divertissement, qui s'ennuie pas trop, bon, ben, pourquoi pas. Mais je sais pas, les prairies, il y a, vous savez, moi, j'ai déjà eu le témoignage d'un monsieur qui enseignait le français. Ben, c'était sa fille, en fait. Ce monsieur-là enseignait le français dans l'Ouest, puis il recevait des menaces de mort, puis il se faisait incendier son auto. Puis savez-vous qui faisait ça? Des francs-maçons. Ils ne voulaient pas voir d'enseignement de français dans leur ville. En tout cas, il n'y a jamais eu autant accès à l'information. On a l'impression que l'abêtissement progresse tous les jours. Ouais, ben, le problème, c'est quand il y a trop d'informations, puis que comme on était mal éduqués, puis il n'y a pas le discernement, ben, on est noyé dans l'information. C'est une façon de subjectiver. Subjectiver le. C'est sûr que Daniel Smith a un discours plus encourageant. Ah, vous répondez. OK, vous parlez la nouvelle, bon, puis elle est déjà traitée de tous les noms de complotistes, de. Bon. C'est de la diffamation, ce qui continue. Vous savez d'où il vient le terme complotiste? Il vient dans le temps de la commission qu'il y avait eu par rapport à l'assassinat de Kennedy. C'était le terme qui avait été écrit. C'est un anglicisme, premièrement. Puis c'était pour définir les gens qui ne croyaient pas à la thèse officielle, qui est impossible, là. Je veux dire, croire à la thèse officielle dans l'assassinat de Kennedy, ça revient à plus croire aux lois de la physique sur notre planète. Bon, il pleut. Pourtant, c'était dans tous les journaux français, mais les Français étaient occupés par leur consommation. C'est vraiment scandalisant pour ces pauvres parents, je comprends donc. C'est de la profanation de cadavres. C'est ça que c'est. Puis c'est inacceptable. Mais encourage-moi. Mais en mai, élection alors, pas certain divertissement. De quoi? Il n'y a rien d'intéressant, oui. Anyway. Mais il y a des rookies. Je vois pas. Trop d'informations tue l'information. Et voilà. Ben, à moins que vous ayez un fort sens critique et beaucoup de discernement. Dans le fond, je regrette, je ne suis pas du tout d'accord. Ben, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Vous parlez de quoi? Bonjour. Jacinthe. Pour moi aussi, le divertissement, je me balance, mais si je peux éviter la coercition excessive et avoir un peu plus de paix, Alberto, j'arrive. Bon. Où sont les lumières de ce monde? On s'en fout. Dans le sens que ben, c'est votre sens critique, votre discernement, c'est votre conscience, la lumière qui est censée être votre lumière. Si vous cherchez de la lumière à l'extérieur, vous allez chercher longtemps. Ça ne marche pas comme ça. ça fonctionnera pas comme ça. Le trois quarts de ce qui est réellement important à intégrer. Mais c'est quoi vous vouliez dire, Franck? Vous êtes pas d'accord? Je suis curieux. Je suis curieux. Savoir lire entre les lignes avec discernement, c'est ça. Ben, le discernement, c'est ça. Donc, c'est aussi, bon, lire ce qui se passe, voir ce qui se passe. L'observation, puis bon, voir où on veut nous amener tranquillement. Puis, ouais. Donc, hey Franck, je veux savoir avec quoi vous n'êtes pas d'accord, parce que ça donne quoi, si je comprends pas. En Alberta, certes pour Smith en ce moment, mais en mai, il y aura des élections, alors que si le NPD rentre, ce sera surprenant. Pas sûr pour ce qui est du divertissement, comme tu dis, au Québec, il y a quoi comme divertissement? Ben, moi, j'aime ça, le Québec. Il y a quoi comme divertissement? Ben, ça dépend. Pourquoi vouloir se divertir? Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris là-dedans. Donc, oui, mais une bougie n'éclaire pas suffisamment une caverne. Ça dépend. Si vous avez les yeux sensibles, pas besoin d'énormément de lumière pour voir, puis les yeux s'habituent à la noirceur. À un moment donné, au moins il y a les Rockies, les Rocheuses, et ça me suffirait. Moi, ben, moi j'aime pas ça, les terrains montagneux. Un jour, vous comprendrez. Ben, regarde, là, je sais même pas de quoi tu parles. Ben, fait que le jour où je vais comprendre, je m'en rendrai pas compte que ça a rapport avec ce que vous disiez, parce que vous êtes pas clair. Hein? Va falloir à un moment donné apprendre à avoir de la clarté un petit peu. C'est quoi une symbolique de reniement des initiés de la connaissance? C'est ça. Le secret. C'est quoi le contraire? Ben, c'est la parole, la clarté. Fait que, gars, si tu veux faire des. Franck, si tu veux faire des. Comment je pourrais dire ça? De la parabole, puis des. Bon, ça m'intéresse pas ça. Bonjour, Léa Louchado. C'est que c'est toi qui as dit à propos du divertissement. Non, ben, je parle, c'est parce que les gens que j'ai connus qui ont vécu en Alberta, ils trouvaient ça plate. Bon. C'est juste par rapport à ça, là. Il n'y a rien à faire. Bon, c'est des gens qui s'ennuyaient déjà, là. Poutine, beaucoup le voient comme un bon. Pourtant, elle fait partie des réunions Bildavoy. Ben, ça, j'en ai parlé. Supramental Berthold, il a pris un extrait de ce que j'avais dit. Puis je le dis, j'ai dit, ben, c'est comme un théâtre. Dans le fond, même l'axe Est-Ouest, j'ai jamais vraiment cru. En attendant, je vais aller me faire un bon café. Bon, ben, bon café. Alberta, si on aime l'atmosphère évangéliste. Ben, ça dépend. Prenez, je veux dire, comme dans le coin du lac Saint-Jean, puis ces coins-là, il y en a beaucoup, des chrétiens évangéliques, puis je ne sais pas, une atmosphère étouffante. Ils font leurs affaires, puis ils n'écœurent pas le monde. Alberta, si on aime l'atmosphère, oui. Mais non, Denis. Bon. Ben, je quoi, avez-vous de quoi contre les évangélistes? J'y trouve moins pire que d'autres. Pas mal moins pire que d'autres. Sont même plus gens, en tout cas. J'en connais une couple, puis ils sont bien corrects, du bon monde. Hola, bon matin. Ah, salut, l'oiseau moqueur. Marie-Jeanne, bonjour à tous. Que la TV y a fait une liste de tous les présidents. FM, à voir. Ah oui. Que la TV. Ben oui, mais sont toutes. Regardez, là, il y a une affaire, là, à cette heure, Amélie Paul, elle a fait des émissions avec un franc-maçon qui s'habille comme Bernard-Henri Lévy, là. Ben, il faudrait qu'il se déboutonne un petit peu plus le décolleté pour être sûr d'avoir l'air un vautour comme l'autre, là. Puis, lui dit, c'est la sagesse, puis blablabla. Comme le Baphomet, c'est la sagesse. Moi, quand j'ai tout lu Eliphas Lévi, puis je sais c'est quoi le Baphomet, comme lui le définit, en tant que synthétisation de certaines lois de la nature, entre autres. Puis, ça n'a pas rapport, là. Mais pour eux autres, la connaissance, puis la sagesse, c'est synonyme. puis c'est pas laissé. Bon, en tout cas. Puis il reste que je regardais ça, puis je me disais, j'ai pas toffé tout, là. Mais c'est incroyable de toutes les conneries qui sortaient. Qu'on m'explique si réellement c'est lié à la sagesse, puis à se développer en tant qu'individu. Pourquoi c'est lié aux politiques pour financer à ce point-là? Les scandales des loges P2 en Italie, les liens entre la CIA, certaines loges, puis les opérations Gladio, toutes ces hosties d'affaires-là, les scandales qu'il y a eu par rapport à des initiations, qu'à un moment donné, il y en a un, il s'est ramassé avec une balle dans la tête. Qu'on me l'explique, qu'on m'explique tout ça. Pourquoi, quand on demande à François Hollande, êtes-vous au grand Orient, il répond, ben, pas le choix pour être président, pas le choix d'être dans ces affaires-là. Puis pareil, Obama. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. C'est ça, c'est vraiment enfumer le monde. Hein? Enfumer le monde. Puis moi, tant qu'à moi, Amélie Paul, qu'elle soit allée en Autriche tourner pour une émission de fraude, frauder son propre peuple pour des intérêts étrangers, au fond. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Faut appeler un chat. Puis c'est un petit peu comme une ancienne escorte, tant qu'à moi, si on peut dire. C'est pas, je ne veux pas faire un parallèle trop. Mais il reste, ça revient à ça. Ça revient à ça. Donc, ils sont tous là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr. Regardez le scandale qu'il y avait eu les fiches en France. Pourquoi c'est tout le temps lié aux politiques dans même? Il avait fiché toutes les gendarmes, toutes les. Ça, ils savaient pour qui votait pour qui. Puis... En tout cas. Savez-vous ce qui se passe avec Anna, l'information autrement? Ben, c'est de l'hostie de marde. Puis là, il y en a une là-dedans qui était pro-Trump. Puis finalement, ils l'ont fermée. Mais moi, je l'écoutais pas, elle. J'étais pas, je suis pas capable. Je suis pas capable. Donc, il ferait mieux de faire la liste de ceux qui ne le sont pas ou qui ne l'ont pas été. Ça serait moins long. Que pensez-vous du livre d'Enoch? Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Ben, ça parle des intelligences déchues, de l'ADN, ça dépend, là, on peut faire plusieurs lectures de ça. On apprend notamment, c'est des intelligences déchues qui auraient appris aux femmes à se farder. Ouais, mais d'un autre côté, quand on regarde, il y a certaines dames qui se maquillent trop, là. C'est jamais bon signe. Quand quelqu'un est beurré, là, qu'il y a une couche, là, non, non. Ça me rappelle dans le temps qu'ils se mettaient de la poudre de plomb dans la face, là. Élisabeth Tudor était rendue la face. Ok, tu sais, je veux dire, c'est des. En tout cas. Moi, ben. Il y aurait différents. En tout cas, il y a différentes lectures qu'on peut faire. Rien contre les évangélistes, mais on essaye de se soustraire aux religions. Ben, vous savez. Les religions, je veux dire, les chrétiens évangéliques, c'est pas comme l'Église catholique, là. C'est des petits groupuscules séparés, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Mais en tout cas, il reste que moi, je trouve pas super. Mais là, soustraire aux religions, moi, c'est au niveau de hiérarchie humaine autoritaire. Bon, eux autres sont bien, je veux dire, ils écœurent pas le peuple. Rien contre le bon. Pas simple de rester objectif comme subjectif le plus souvent. Maintenant, l'information est dans la game. Ben oui, c'est tellement évident que je me demande comment les gens la suivent. Ben plus c'est ridicule, plus qu'il y a de monde. Prenez Pereira, la chicane était prise avec Pilon, puis ils font des vidéos ensemble. On ne sait pas ce qui est arrivé entre-temps. Yep. L'oiseau Nana, l'info autrement est fermée. Elle a fait son cache et elle est crampée. Il paraît qu'elle en faisait autant qu'elle cassait de Tridel. Et voilà. Ben oui, mais tu sais, c'est comme il y en a qui disent qu'il ne faut jamais laisser une crise se perdre. C'est une occasion de. Une occasion de pécher. C'est toi qui as mis des extraits de la fille perdue. Mademoiselle Pied-Daniel. Je m'en souviens bien, Mademoiselle Pied-Daniel. Vous êtes rien qu'une occasion de pêcher. Oui, c'était affreux, les déformations des femmes avec la poudre de plomb. Ben oui, ça n'a aucun sens. Vraiment, là. Élisabeth Tudor était tellement empoisonnée qu'à la fin de sa vie, à un moment donné, elle a senti qu'elle allait mourir. Puis là, elle voulait plus s'asseoir, elle voulait plus se coucher. Puis elle a passé 48 heures debout. Puis ils ont fini par la convaincre de s'asseoir un peu, puis elle est morte. Bon, l'argent est arrivé entre-temps. Notre chanceuse. L'autre nuit, j'ai rêvé que je magasinais du maquillage. C'était tellement plate que je me suis endormie dans mon rêve. Ah oh, oui. Merci pour la réponse. Je fais souvent des parallèles avec ce que j'apprends ici. Ben, le livre d'Enoch, très intéressant. Très intéressant. L'impureté que ces dons l'est. Moi, c'est aussi laid que l'avarice. Je me rappelle le roman original, parce que Grignon, sa série, que ce soit à la radio ou à la télé, il l'a fait smooth pas mal. Ben, je me rappelle, moi, le roman. Le roman, là, faire ça en film ou en série, ça serait de l'horreur. De l'horreur. À un moment donné, Séraphin, là, il se met sur le dos un gilet là, qui brille comme du bitume, tellement c'est laid, c'est sale, c'est crasseux. À un moment donné, il se fait une soupe, puis là, sa soupe éclaire pas mal. Puis il se dit, avec quoi j'épaissirais ça? Donc, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le balai dans la maison, puis il met ça dans sa soupe. C'est de l'horreur. Donaldo en meurt au début du roman, quasiment. Puis là-dedans, Alexis, sa femme, là, comment elle s'appelle? C'était André dans Syrie, là. Elle pèse genre 400 livres, puis ils ont je sais pas combien d'enfants. C'est complètement une autre histoire, puis c'est de l'horreur. C'est Raffin, là. Pourquoi qu'il a trois sacs d'avoine? Parce que dans son délire, il se dit, s'il y a un voleur qui vient me voler mon or, il ne saura pas il est dans quel sac, puis il va être pris pour amener les trois sacs. Fait qu'il va, j'ai plus de temps pour le rattraper. Puis l'hiver, là, il se couche dans son lit avec plein de des pots puis des couvertures de carriole, puis il n'est jamais sûr s'il va se réveiller le lendemain. C'est vraiment une histoire d'horreur. C'est de l'horreur. Vraiment, là, le roman là, original, c'est une histoire d'horreur. Puis il s'est retenu, hein, Grignon, quand il a fait ça grand public. Mais il reste que ce bonhomme-là, il a existé. Il a existé parce que la fille de Grignon, elle dit, il y a du monde qui vient ici au musée du village de Séraphin, puis ils savent c'est qui, puis ils le nomment. Il le nomme. Puis je pense, comment le vrai, là, lui, était mort. Je pense que c'est dans le coin de. C'est dans Laurentides, mais c'est pas à Saint-Adèle. Mais en tout cas. Pierre Blanchette, il vient de sortir une vidéo. Moi, je ne l'ai pas vu. Ben là, Pierre Blanchette, là, moi, je l'aime bien. En plus, il s'est rasé, tu sais. Mais il est encore à dénigrer son apparence, puis lui, il va faire passer ça pour de l'humour, puis tout. Il n'a pas un physique si ingrat que ça, là. Il est même ordinaire, en tout cas. Tu sais, je veux dire, cette espèce de fausse humilité-là de se dénigrer, moi, j'aime pas ça. Ça dépend de quoi on parle, puis à propos de quoi, là. C'est ce que je ressens en pensant à Dan Pilon. Ah, j'ai pas. Peux-tu instruire sur le mot yep, merci? C'est le même yep que les Texans, là. Mais Nana a fait une levée de fonds pour qu'elle puisse aller au mi-mandat de Trumpette. Elle a ramassé 60 000 piastres pour son gros voyage. C'est pour ça qu'ils se sont mis sur son cas. Ils ont fermé sa chaîne. Ah oui, la fille. Ouais, c'est quelqu'un qui était sur sa chaîne. Puis, ouais. Oh, yep égale, d'accord. Ben, c'est ça. Comme les Texans. Shadow, OK. Nana, elle soutient Trumpette. Ben, c'en est ça de la polarisation. Ils sont soit d'un bord, soit de l'autre. Moi, je suis ni d'un bord ni de l'autre. C'est tout de la théâtre. Tout ça, en tout cas. Beaucoup chiolent qui ont pas d'argent, mais donnent. Ben oui, donnent de. En tout cas, les influenceurs du Québec sont instrumentalisés pour la compréhension des comportements des Québécois face à des événements spécifiques d'une façon plus simple, tâter le pouls de la population. Ouais, mais ça fait longtemps qu'on a des spécialistes du comportement, des behavioristes, qui sortent du Québec comme un laboratoire. Laboratoire. Nana et Zanistos, celle qui a un rire troublant, là. Ah. Pierre Blanchette, j'y vais de ce pas écouter sa vidéo. Ben là, OK, vas-y. Le café est fait. Je comprends pas Franck ce qu'il fait ici. Ben, franchement, là. Non, non, ancienne actrice, ça vous parle-tu? Mais elle, Nana, c'est pas. Ça l'est pas, ça. En tout cas, moi, je suis pauvre. Cette nuit, j'ai rêvé de vous, mais vous étiez en femme et je vous ai embrassé. Ça, c'est l'astral. Ça, c'est l'astral. Oui, exact. Et il, hein? Mazou. Hey. Il me semble. Non, je suis pas si près comme homme, mais comme femme, ça serait pas yacht, là. Ça serait pas extraordinaire. En plus, j'ai de la misère à. J'ai déjà de la misère à marcher avec mes souliers normaux. Imaginez-moi, là. Ça serait troublant, hein? Vous me troublez avec vos affaires. C'est inquiétant, ça. Il y en a, ils font des cauchemars. Et vous êtes-vous instrumentalisé? Et vous, êtes-vous instrumentalisé? Mais bien sûr que oui, mais pas de la même façon. Instrumentalisé, je ne le sais pas. J'ai pas assez de. Comment je pourrais dire ça? Bertha. En autant que c'est pas. Et on sait quel qui faisait Rosie O'Donnell. C'est terrible. Il y a beaucoup de monde qui rêve de vous, ouais. Et oui, mais c'est normal, c'est lié à leur activité psychique. Puis comme il y a des choses que je dis que d'autres disent pas, ben il y a certaines structures qui vont me prendre comme un symbole. Pourtant, Mazou, vous avez vu la vidéo avec Bertol aux cheveux longs, j'en ai une coupe. Salut l'oiseau. J'ai pas assez d'instruments. Ah, je vois pas. Ah, le cliché vide sous les talons. Oh, je suis une femme, puis je mets pas ça. Bon, ben, tant mieux. Ben, c'est pas juste l'affaire des. Mais il risque. Bon, faites bien parce que c'est pas bon pour le dos. Un drôle de phénomène qui se passe en ce moment avec une célébrité, Kanye West, qui commence à nommer l'influence juive à tous les domaines de la société. Donc maintenant, il se fait bannir de partout. L'affaire, c'est que prenez le rap aux États-Unis, les producteurs. Bon. Vous regardez, c'est qui les producteurs? C'est les. Bon. Il n'y a pas tort sur tout, mais ça dépend de quoi on parle, là. Mais il reste que. Prenez le. Il y a tout le temps. Les Afro-Américains, c'était une communauté aux États-Unis qui se divorçait moins, qui avait moins de criminalité, puis c'est par la culture encouragée par certains producteurs que en tout cas, c'est devenu une culture mortifère un petit peu. À un moment, je me suis surpris à penser avec l'accent québécois. Ah. Que pensez-vous d'Halloween? Ben, moi, je parle à Toussaint, jamais l'Halloween. Je l'ai fait pour ma petite de 11 ans, en partant du fait que c'est la fin de la période des récoltes, mais du point de vue rose-croix. Vous voulez que je vous dise ce que je pense de la morgue aussi? En tout cas. Ben, l'Halloween, à un moment donné, on en reparlera, mais c'est parce que dans le paganisme, bon, c'était. Surtout les Celtes irlandais, puis bon, puis il y avait des sacrifices, il y avait, bon. Bon, du coup, pas assez d'instruments pour être instrumentalisés, je niaise en rapport avec la question du dia, ah, OK. Et pourtant, je suis une femme et je me suis étonné moi-même d'embrasser une femme. OK, ça devient de pire en pire, là. Ça Bird, ton feeling pour les mandats aux US, ben, franchement, là, je regarde pas ben ça. Pas vraiment. Ben, je pense que les démocrates, il y a bien des places, vont se faire débarquer. Puis, dans le fond, pour créer la polarité, pour rééquilibrer, pour être sûr que ça fasse un bon show, là. Bon, en tout cas, on verra, hein. Mais ben, franchement, les Américains, j'en ai rien à foutre, à part au niveau des conséquences pour le reste de la planète. Mais à part ça, là, comme Alexis Cossette-Trudel, ce qui fait une des affaires qui fait que je suis pas capable, c'est qu'il est accroché. Il est complètement Trump, Trump, Trump, parle de Trump, Trump, Trump. Trump. Adorable Trump. Cette nuit, j'ai reçu un coup sur le front. Ah oh oui. Comme une bûche de poids reçue. Et merde, je ne rêvais pas. Je dois avoir la tête dure. Bon, ça commence à être des phénomènes. Allez, dites-nous ce qui vous donne de l'espoir. Moi, j'ai aucun espoir. Puis je suis pas désespéré. Cherchez l'erreur. Mais moi, l'espoir, là, bon, pas que je voulais que je fasse avec ça. Je n'ai aucun espoir. Puis je suis pas désespéré. Puis je ne suis pas inquiet non plus. Donc, bon, chercher l'erreur. Mais moi, l'espoir, ça fait longtemps que j'ai compris que ça faisait partie de quelque chose que on, ça se paye. Hein? En tout cas, avez-vous une source pour connaître les bases du supramental? Une source? Ben, les bases, parce que pas une doctrine. Ben, écoutez, Bernard de Montréal, si vous voulez que je vous dise, je ne vois pas d'autre chose, là. À moins que ce qui vous intéresse, c'est de la spiritualité. Mais là, c'est plus pareil. Parce que, bon, ce qui s'est développé au Québec, ça n'a rien à voir avec la société Aurobindo et ces affaires-là. Maintenant que je vis en République dominicaine et que je dois transférer de langue entre l'espagnol et l'anglais tout le temps, puis est-ce que c'est difficile d'exprimer ce qui doit sortir, les mots pas ajustés? Ben, pourtant, l'espagnol, c'est une langue assez. En tout cas, Halloween à Séoul a été une catastrophe, une centaine de morts qui se sont entassées, étouffées, écrasées. Ben oui, mais ça fait partie de l'américanisation de la Corée du Sud. Donc, comment ça qu'ils fêtent Halloween? C'est quoi le problème? Ben, en tout cas. Le pire, les parents, ils participent pour initier leurs enfants à Halloween. Ils n'ont aucune conscience et ils achètent le jeu Ouija. Hein? Ben là, c'est rendu, c'est du spiritisme, là. Non, là, ça n'a pas de style de bon sens. Ben franchement, là, no future, non, je pense pas comme ça. C'est pas, ça, c'est du désespoir. C'est la l'autre polarité, puis c'est pas plus objectif que l'espoir. Donc, j'aime bien ce que tu viens de dire à propos de l'espoir. Bon. Que pensez-vous de la date de février 2023 annoncée par Richard Glenn? Oh. Ben oui. Mais moi, je pense que ça va être une surprise, même pour lui. J'ai hâte de voir ça. Il y a quelqu'un dernièrement qui m'a envoyé quelqu'un qui parle de. Un Français qui parle de BDN. Qui parle de BDN, puis qu'il y a quelqu'un qui lui aurait fait cracher à BDN. Ce qui va arriver en février 2023, BDM, il ressortit la date. Mais comme j'ai jamais eu connaissance de l'enregistrement que Bernard aurait dû sourd, j'en prends puis j'en laisse. Glenn a soupé. Pourtant, Bernard de Montréal annonçait l'avènement de la sixième race. Ben, Paul, faut pas oublier que Bernard, c'est pas le premier qui a parlé de ça. Puis c'était bien à la mode. Donc, bon. Si j'ai vu dans les magasins des gens, ils sont fiers d'offrir Ouija à ses enfants. Ah, ben vous savez, le pire, c'est que les enfants eux-mêmes, ils vont s'en fabriquer s'ils ont des intérêts pour ça. Donc, espoir et désespoir, c'est la même chose. Mais pour moi, oui. Ça fait partie d'un mental polarisé. Fait que bon. C'est comme les gens qui sont dans la pensée positive quand il arrive un coup dur et qui ont de la misère. Il y en a, là, c'est. Bon, ils ne se rendent pas compte que le positif au niveau de la pensée subjective, ça se paye par le négatif. À un moment donné, il y a l'autre polarité. Donc, bon. Dans ta vidéo d'hier, quand tu disais que ça commence à sentir le souffle, c'était pas d'hier. Tu faisais référence à l'astral. Non, je fais référence à la guerre. Je fais référence à une crise économique et à la guerre. Espoir, désespoir. Des enfants ont frappé à ma porte pour des bonbons pour Halloween et j'avais envie de leur dire, vos parents n'ont rien d'autre à faire que d'apprendre à leurs enfants la mendicité, bolou. Comment ça, est-ce que c'est rendu que vous faites Halloween en France? Avant, au Québec, il y a longtemps, il y avait Mardi Gras. Que ça y reste les mêmes choses, là, pas mal. Puis, bon. Moi, quand j'étais plus jeune, je me rappelle mon premier appartement. J'étais dans un quartier populaire, puis il y avait beaucoup d'enfants qui passaient l'Halloween, puis j'avais rien à leur donner. Je leur donnais des sachets de sucre, des sachets de sel, des cubes de bouillon OXO, des... Vous auriez dû le voir la face. Des poignées de change, des scènes noires, des... Finalement, les années d'après, je fermais mes lumières, je barrais ma porte. André Dessé va parler aussi de février, de... Ouais. Bien hâte de voir ça, mais bon. Oui, ça chauffe en Europe et en Asie. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon ici non plus. Il y a des mouvements de troupes. En tout cas, semblait-il. Donc, ça sent le repli stratégique, comme tu avais expliqué il y a un an, en lien avec le calme qui est dans l'atmosphère présentement. Ouais, mais combien de temps ça va durer? Un genre de momentum dans les événements vers l'éclatement. Ben, comme j'ai déjà dit, faut qu'il y ait des petites périodes d'accalmie. Puis, il faut que ça soit dosé, puis c'est structuré. C'est un peu comme une rythmique. Donc, les masses, on va leur faire subir des épreuves collectives, mais pas d'une façon continue, jamais. Mais habituellement, bon, faut toujours comprendre que quand il y a une crise économique, ils vont tout le temps camoufler ça avec une guerre. Tout le temps. Prenez l'effondrement économique qu'il y a eu vers la fin du 19e siècle, l'ère industrielle, quand ça a ralenti. Après, oups, Première Guerre mondiale. Vous avez après crise 1929, après, oups, Deuxième Guerre mondiale. C'est la crise qui a servi à conditionner le monde pour... Donc là, on s'en va vers une... Ben, on est en crise économique depuis 2008. La Grèce est un laboratoire. Puis, regardez, là. Donc, bon. Tous les ans, les enfants, ils sonnent à la porte pour demander des bonbons Halloween et ils ont des masques, équipements pour Halloween et ils sont maquillés. Oui, ben, je veux dire, c'est ça l'Halloween. Quand j'étais enfant, j'étais pas fort sur ça. L'Halloween, c'était une soirée où j'écoutais la télé. Donc, sais-tu moi aussi le supramental tel qu'est parlé par BDM est en train de se transformer de façon assez substantielle dans le sens que le processus de fusion serait plus soft. Je vois pas ce que vous voulez dire par là parce que le supramental tel qu'est parlé par BDM, lui, c'est fixé dans le sens que c'est des enregistrements. Puis bon, de toute façon, je vais être franc avec vous autres, moi j'en prends beaucoup, puis j'en laisse beaucoup aussi. Parce que bon, même dernièrement, l'affaire qui est arrivée par rapport à Blanchette, j'ai remis bien des affaires en question. J'ai remis bien des affaires en question. Puis il y a quelqu'un avec qui je discute souvent, j'avais carrément écrit, si à la fin du mois de novembre, je n'ai pas eu un contact fort, puis que... J'ai dit, ça se peut même que je me rétracte de certaines affaires, puis que je m'excuse au monde, puis que je rejette ça. Fait qu'on verra. Mais il reste que la personne a été troublée, elle n'en revenait pas. Mais il y en a, ils ont réussi à me créer du doute. Puis l'affaire, c'est parce qu'ils ont réussi à me faire retomber un petit peu dans de la croyance. La polarité de la croyance, c'est le doute. Donc j'ai remis des affaires en question. Il y a des affaires, j'ai regardé, j'ai eu une perte d'énergie psychique. Moi, je rêve plus, là. J'ai pas l'énergie pour. Puis aussi l'affaire, les farfadets, les sorties qu'il y a eu, puis tout, même si je m'étais pas intéressé à eux autres, des écouter, puis tout, ça m'a troublé un peu dans le sens que c'est peinant. C'est très, très peinant. Puis, en tout cas, finalement, à un moment donné, on regarde ça, puis on se dit, ben, ça se peut-tu? Ça se peut-tu que moi tout, dans le fond? Mais se fait avoir. Même si le gourou est mort, là, on verra. Mais je suis bien intransigeant avec ça. Dans le sens, c'est à la fin du mois, je n'ai pas un contact fort, puis que je sens pas que je suis appuyé un petit peu par le double ou des affaires de même. Ça se peut que j'en veux à ma vie à ce moment-là. Parce que là, à un moment donné, Chris, ça va faire. J'en ai plein le cul, de toute façon, de parler de supramental. Le terme est biaisé. C'est rendu pollué. C'est rendu de l'hostie de marbre. En tout cas, hop, là, j'en ai manqué. Ça va vite un peu. Voyons. Et l'oiseau, c'était tout que j'étais rendu. Bon, je suis tout mêlé. C'est que c'est mal fait. Espoir, blablabla. OK. Ça sent le repli. Attendez, là. OK, le repli stratégique. Denis. C'est-tu moi aussi loqué? Le momentum est un peu plus long que je pensais. Ils vont nous surprendre encore avec la grippe, encore plus que la guerre. Regardez, là, il y a une dame qui travaille comme préposé aux bénéficiaires que j'ai jasé dernièrement, puis ils ont eu 4 morts la même journée. Puis pas du COVID, là, arrêt cardiaque. Ouais. Puis c'est déjà arrivé avant des guerres qu'il y en ait qui se débarrassent du bois mort dans la population. Donc, ce qu'eux autres, ils appellent du bois mort. Donc, c'est pas bon signe. Il y a de quoi, là... Moqueur Carillon a liquidé leur boîte. Car certains moqueurs Carillon ont liquidé leur boîte. Boîte de vax, c'est. Ouais. Il y a quelques années, j'ai entendu dire que ce dont les Russes ont le plus peur, c'est la Chine. Ça m'a frappé sur le moment. Pourtant, non. C'est évident. C'est leur vrai ennemi, hein. Mais je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte. Mais là, ils sont encore alliés pour des raisons d'intérêt géostratégique. Mais, ben oui. Ouais. Ben, prenez. Même ça se pourrait un jour que les Russes puis les Japonais soient alliés contre là. Ça serait surprenant, hein, parce que traditionnellement, c'est des ennemis. La Russie et le Japon. Mais ils ont un ennemi commun. Qui est la Chine communiste. Ben moi, pour moi, la vraie Chine, c'est Taïwan. Là où est le mausolée de Chiang Kai-shek. Mais il reste que, territorialement, la Chine, c'est la Chine continentale. Mais un jour, le communisme, ça se pourrait qu'un jour, vous savez, c'est beaucoup d'ethnies à la Chine. Là, il commence à avoir du chauvinisme Han. Puis un jour, ça se pourrait que ça soit morcelé en plein de petits pays. Dépendamment des ethnies, puis un jour, les Ouïghours peut-être vont vouloir avoir leur propre pays. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Bon. Une guerre réunirait les peuples, surtout aux États-Unis, tous sous le même drapeau, pensez uniquement, oui. Voyons, Denis, s'unir aux démocrates. Ouais, moi non plus. Pour moi, Halloween, ce n'est que de la forme à dépasser, tant qu'on y va avec sa propre vibration, bon, certainement créer une autre forme équivalente à l'Halloween. Oui, mais c'est parce qu'il y a des cycles dans l'année. L'année, c'est un cycle. Il y a des phases dans l'année, puis le mois de novembre, vers le mois d'octobre, le mois de novembre, bon, il y a quelque chose pareil, là, qui se passe. Donc, bon... Là où Bernard parle de 2023, c'est le numéro 59B avec Glenn. Ouais. Vers la conscience non conditionnée, je pense qu'il a beaucoup d'interprétations ce que BDM dit vraiment, ben, comme d'habitude. Comme d'habitude, Lydia Tranquetti, elle a sorti une vidéo. Une femme dénonce qu'il se cache derrière. Ouais. Mais là, c'est parce qu'il y en a tellement de stock, il y en a tellement des affaires. Il y a une immense récupération qui se fait en lien avec toute cette affaire de support mental mélangée avec des périodes de doute. Ouais, l'affaire, c'est parce que le problème, c'est que dans ce milieu-là, il y en a pour qui Bernard est vraiment un gourou. Alors que moi, c'est juste un bon humain, c'est juste un bonhomme qui parlait de certains sujets que c'est des sujets aussi que j'aborde ou que pour lesquels j'ai eu un intérêt. Puis il y a des choses qu'il dit que d'autres disent pas. Puis des fois, il va... Bon. Mais moi, j'ai jamais eu la fascination que d'autres ont. Au contraire, quand j'étais enfant, je détestais cet homme. Puis je considérais tout ça comme de la secte. Puis j'osais avec quelqu'un dernièrement, j'ai dit, je commence à retourner dans mes positions de mon enfance, avec ce que je vois. Puis, ouais. Puis d'habitude, ben moi... Je vais tout être honnête. Fait que si à un moment donné, je suis complètement décroché, ben je vais le dire, hein. Mais là, je regarde ce qui se passe par rapport à tout ça. L'affaire, c'est bon. Depuis, j'ai une petite baisse d'énergie. C'est moins fort, le contact moins fort. Je redeviens plus psychologique. Ça n'a pas aidé d'écouter les témoignages de Farfadet. Une amie travaille dans un centre funéraire. Tous les centres funéraires sont pleins jusqu'à fin décembre. Et voilà. Ben, ça n'arrête pas. Ça tombe comme des mouches. En tout cas, les Chinois lorgnent sur la Sibérie et ses ressources. Bon, ils lorgnent sur toutes. Toutes. Ouais, les myocardites ont passé de 4 cas par million à 25 000 par. Non, ça n'a aucun sens, ce qu'on voit. Ça n'a aucun sens. Puis les médias ne disent rien. Savez-vous, il y a une seule personne dans les médias que j'aime, Suzanne Guerrier-Pie, la météorologue. Quelle dame charmante. L'oiseau moqueur, oui, puis les embaumeurs parlent de plus en plus. Ben, ils sortent des affaires, des artères du monde. Bonjour, Halloween, c'est Salmin, une fête, celle de. Oh, oui. Ben oui, c'est le passage de la période lumineuse de l'année à la période sombre. C'est pour ça, moi, mon horloge, j'ai fait sonner ça le 3 novembre, parce que, bon, je connaissais certaines petites affaires, mais en plus, vu avec. J'ai un calendrier ici, c'est des roues. C'est avec des attaches parisiennes. C'est avec ça que je regardais à un moment donné les phases dans l'année, les phases de la Lune, les phases du Soleil par rapport aux dates, par rapport au calendrier. Puis, ouais, on vient d'entrer dans quelque chose, là. Puis, ouais. J'ai une liste des problèmes liés au pic-pic. Ça fait déjà un an et demi. Une infirmière, elle a donné tout ce qui est lié. Problème de ça. Ben oui, c'est tout disponible. Ceux qui sont intéressés là, par ces choses-là, ben, un qui est une source à ce mot, je le trouve fiable, c'est le docteur Leiby. Très, très fiable. Thanatopracteur. Bon, oui, mais là, les embaumeurs ou thanatopracteurs ou thanatologues, on sent encore les tutus. Je veux dire, c'est des croque-morts. C'est-tu correct, ça? Vous savez, dans le temps, ils mordaient les orteils du monde pour savoir s'il était mort. Bonjour Berthold et à vous tous. Est-ce que dépolariser, c'est le point zéro expliqué par Denis Jutrot? Je ne l'écoute pas, Denis Jutrot, je ne peux pas vous dire. Je n'écoute pas grand-chose, là. Vous avez sauté ma question sur le Christ. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Libérez-vous. De quoi tu parles, toi? Franck, là, tu es aveugle, tu es aveugle de te bloquer, toi. Que voulait dire le Christ quand il dit je suis qui je suis? Ça dépend du contexte. Mais peu importe qui dit ça revient tout le temps au même. À un moment donné, quelque part, c'est parce qu'on tombe dans du. Un peu comme. Comment qu'on l'appelle? La palissade, là. Des truismes. Ah, il ne serait pas mort s'il n'était pas mort. Je suis qui je suis. C'est un peu comme quand il répond à. Un peu comme quand les prêtres sont pas contents, ils vont voir Pilate, ils disent, pourquoi t'as fait écrire ça? On ne dit pas que c'est le roi des Juifs, on dit qu'il est le roi des Juifs, puis lui répond, ben, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Croque-mort, c'est très correct en effet. Ben oui, c'est bien correct. Si c'est possible de faire une vidéo sur le point zéro, ben, je sais pas de quoi il est question. Puis, Jutra, je ne l'écoute pas. Je me rappelle même plus c'est lequel. Je suis pas tout le temps en train d'écouter des affaires dans même. C'est bien trop. Bon, j'allais dire. C'est comme là, Franck Delors, là, libérez-vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu veux que je saute dans d'autres chaînes? Tu veux que je me libère de chaînes pour sauter dans les tiennes? À un moment donné, là, momentané. Je suis pas patient. Si c'est possible de. OK, je suis ce que je suis. Je suis qui est. Ben, celui qui est. T'sais, prenez quand Moïse, la première fois, là, il y a une interaction. Ah. sais, quoi que tu écoutes, j'aimerais savoir. C'est pas tes affaires. Non, j'écoute pas grand-chose. La plupart du temps, je suis pas tout le temps sur. Pas tout le temps sur Internet, là. Puis bon. Ben ce matin, j'ai écouté. Comment il s'appelle lui? Un témoignage encore d'un farfadet, là. André Desfossés, c'est lui que j'ai écouté le matin. À Paris, il y a une plaque en métal 0.0 au centre. Bon, mais là, ça doit être lié à le rapport avec les méridiens. C'est un petit peu comme on a pareil à Québec, là. Il y a une plaque là, entre la fontaine et le Parlement. Bonjour à tous. Ah, man over the shape. Donc, bon. Mais là, c'est Franck Delors, libérez-vous. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais ici? Commence par te libérer, là, comme ça. Je veux dire, à un moment donné, le Christ, là, je suis tanné de ça. Je suis tanné de ça. Est-ce qu'il n'est pas écrit. Moi, c'est le monde qui sont dans la vérité, là. Est-ce que je suis pas capable? Est-ce que je suis pas capable? T'sais, là, ils vont être là à dire, il faut avoir des chaînes lourdes en Christ pour aller dire oh, libérez-vous. De quoi tu parles, Steve? Tu n'es même pas capable de t'exprimer clairement. Tu n'es même pas capable d'avoir l'éloquence nécessaire à la libération d'autrui. Fait que commence par toi-même. Commence à apprendre à t'exprimer comme il faut, d'une façon claire, précise. Parce que là, tu sais, moi, là, je montre qu'il marche par parabole. Puis des sous-entendus. Puis Christ, c'est ça des ténèbres. C'est ça des ténèbres. Les épaisses ténèbres, Steve. Bon, Jutras, c'est le monsieur qui fait des schémas pour expliquer comment l'homme a chuté dans la nature. Bon, regarde, lui, je ne suis pas capable. Je vais le dire clairement, là. Je suis pas capable. Puis je la sens pas, la vibration. J'ai regardé une fois. Puis c'est assez. Bon, je n'ai rien contre lui, mais ça ne m'intéresse pas. Dans la série, tu as écouté Iso Sinclair de. Je suis pas capable, elle non plus. Ben elle est dans les affaires de portail organique, puis de gardien de seuil, puis Chris, on reconnaît l'influence de l'agnostique de Samael Ron VR, puis ses affaires. Je suis pas capable, c'est pas durable, ça, Chris. C'est ça, je pense, qu'aux échangés, ils appellent l'isothéorisme. En tout cas. Hola Bertold, répète une cochonnerie. Effectivement, les ténèbres dans le groupe baissent pas juste. C'est parce que l'éloquence, c'est de la clarté. Puis là, tu as du monde, ils sont dans le vague, puis on comprend pas de quoi qu'ils parlent. Puis là, libérez-vous. De quoi tu parles, esti de cave? Viens pas me faire chier. Wow, j'aime bien quand tu dis pour dire libérez-vous, c'est que. Ouais. Y a-t-il vraiment une façon de confronter des entités qui s'acharnent ou il faut simplement observer sans s'identifier? Ça devient tannant en crise de pensée constante. Ouais, moi, je suis plus sur le bord de l'observation. Parce que les entités, c'est que tu as un petit peu de l'entitisation. C'est nous autres qui nourrissons ça. Là. Moi, je ne crois pas aux entités, hein? Pas en toutes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que c'est l'être humain qui densifie ça. Vous connaissez, il y en a une Française qui était allée au Tibet, elle avait étudié ça. Il y en a, ils sont capables de densifier des entités. C'est juste qu'eux autres, ils apprenaient à le faire consciemment, là, entre guillemets. En tout cas. Et pourtant, le Christ nous a dit, je passerai, mais mes paroles ne passeront pas. Ou en plan qu'il allait rester. Mais en tout cas. Il y a une affaire, je sais pas si vous avez déjà vu un vieux tableau, le Christ aux enfers, là, c'est carrément le Christ dans l'astral. Même lui, il a été obligé de passer 3 jours là-bas. Bon, semble-t-il. Comment vous avez découvert là, et pour quelles raisons vos commentaires? Je lis vos commentaires depuis. Ouais. Bon, ça doit être du monde de la gang à. Bon, je continue, ça doit que tu as des. Grosse crise de chaîne. C'est à moi que tu dis ça, toi? Regarde, là. J'ai eu l'air, moi, là, dans la dépression, en souffrance, là. Libérez-vous de votre esprit critique et de votre compte en banque. Attends, libérez-vous de votre esprit critique. Et de votre compte en banque, c'est une joke, là. De Noé, j'ai posté une vidéo d'un ancien bûcheron sous votre vidéo, des mondages au sol, j'adore donc, je vous le partage. Ok, ouais, je pense que j'ai été voir. Et son expression était en vérité. Ouais. Mais l'affaire, c'est parce que, bon, faut comprendre, c'est des héléno-chrétiens qui ont, premièrement, à un moment donné, ça a été traduit de l'araméen ou au grec. Puis... Donc, les termes sont... OK, là. En tout cas, les autres semblent tellement lire un texte et tourner autour de... Ouais. Mais ça pogne, hein, ces affaires-là. Ben, tant mieux. L'être humain dans sa boucle. Bonjour à tous. Bonjour, Willem. C'est tentatoire pas mal, votre affaire. Ils ont de la difficulté aussi, pas de vibration. Et en plus, elle manque de souffle en parlant, ça ne contient pas de... Ah, oh, ben moi aussi, des fois. J'ai l'impression, moi, d'être une bibitte de feu. Je tire de l'air. Non, non, je finissais ma pensée sur libérer et chaîne, mais je n'avais pas eu le temps de finir, j'ai appuyé trop vite. OK, bon. Bon, ça arrive des fois. Quelle serait ta traduction préférée des évangiles? C'est parce que ça risque d'entrer dans des chicanes, hein? Ben, moi, j'aime bien la King James, là. Il y en a, ils vont faire « Ah! Je le savais! Protestant! » Non, ça n'a pas rapport. Ça. Hein? Il y a celle, la Bible de Jérusalem. Moi, c'est une Bible de Jérusalem que j'ai, la version, la traduction que j'ai. Dans le sens, c'est un théologien, en tout cas, c'est des linguistes et tout, là, qui sont... mais bon. ben oui, mais c'est rien que de la chicane. Ça crée rien que de la chicane, ces affaires-là. Me rappelle avoir écouté Iso, puis on dirait que j'étais en train de regarder l'explication de légende et de conte de fées. On a pas mal le même feeling. Bonjour, enfin, j'arrive à la fin, à moins que ça soit bientôt fini. Ben, je ne sais pas, là, je pense que je suis bon pour un petit bout. Il doit vouloir dire « Libérez-vous du scepticisme ». Ben quoi, c'est intéressant. Moi, je suis tout le temps été sceptique, hein. Willem, je suis tout de même ravi de vous écouter et voir que les écrits sont encore cités. J'ai eu une claire audience il y a 2 ans et depuis je cherche. Ah, intéressant. Je plaisantais pour le compte en banque. Oui, j'espère. Parce que. Ouais. J'ai une King James et une Tub, une gentille Cato, m'a dit de les jeter au feu. Ben, ils aiment ça, les autodafés, eux autres, on regarde historiquement, ils aiment ça brûler des livres. Puis quand on les écoute, là, que les affaires là, qu'ils ont dans la bouche le plus souvent, là, c'est les croisades, la Sainte Église catholique. Les croisades, la Sainte Église catholique. La charité chrétienne. Hey, quand le Christ il parlait de charité, il ne parlait pas de charité chrétienne, il parlait de charité. Soit tu es charitable, soit tu ne l'es pas. De la charité, c'est de la charité. À un moment donné, là, ça, mais tu sais, comment on peut dire à quelqu'un de mettre de vous brûler des livres? Les catholiques qui faisaient ça, brûler des livres, puis les nazis. Hein? C'est quoi l'autre sauté à cette heure qui parle de loup-garou à un moment donné? Il était à brûler des chapelets, puis qu'est-ce que tu fais là, là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... C'est de la petite provocation. C'est donc bien... C'est quoi le problème? Lui, j'avais rêvé de lui à un moment donné, puis il avait la peau couverte de maladies puis de pustules, puis c'était un vendeur de drogue dans le rêve. À cette heure, il parle de loup-garou, puis il y a des tatous dans la face. Ne dit-on pas que nous reconnaissons un arbre à ses fruits? En tout cas, Pierre est en mission, il n'a pas le choix. Ouais. Ben, moi, je n'ai rien contre lui, là. Mais là, je ne le sais pas. Là. Je vais aller écouter ce qu'il a publié. Peut-être que. Peut-être. Le territoire est bien cadré par des. calvaire au Carrefour. Ouais. Ben là, les Carrefours, hein. Les Carrefours. Prenez, à un moment donné, ça, c'était, c'était il y a un bout de temps, je parlais en live avec quelqu'un sur une autre, sur une autre, puis le gars, il disait qu'il venait d'Haïti, puis c'était un vaudois. Puis je le lisais, mais je le croyais pas. Puis, à un moment donné, je me suis tanné, où j'ai dit, c'est quoi le tas de pierre au cimetière? Signifie quoi le tas de pierre? C'est rattaché à quelle loi? Il était pas capable de me répondre. J'ai dit, non, non, toi, tu me bullshit. Tu connais même pas ton sujet. Parce que, même si je suis pas adepte de ces affaires-là, j'y connais. À 10 ans, j'avais passé Eliphas Lévi, j'avais tout lu ça. Puis, il reste que je me suis tout le temps souvenu. Puis c'est pas parce que j'adore ou quoi que ce soit, je lisais ça comme un divertissement. Puis il y a une technique, si vous lisez en diagonale, assez. Puis au niveau de structure prépersonnelle, ben, fait que finalement, bon, j'en ai lu. Hey, Shyam Hab, hey Berthold, how you doing? Ben là, commence par m'écrire dans une langue civilisée, puis on verra. Le film de Ray Bradbury, Fahrenheit, Les pompiers brûlent des livres. Ah oui, il y a du monde qui m'en ont parlé. Connais-tu Sandra Vimant? Non, c'est Vimont. Vimont. Oui. Oui. Puis, c'est pas de mes affaires de dire ce que j'en pense. Ben, ce que j'en pense, ce que j'en perçois, d'accord? La lecture rapide, oui. Ah oui, à un moment donné, je me suis désabonné de la bibliothèque, j'avais lu tout ce qui était ce qui m'intéressait. J'avais tout lu. Faut le faire, là. Bon, j'avais commencé. Ça a été sur des années. Mais il reste que, bon, oui, je la connais, Sandra Vimont. Je la connais pas personnellement, mais je connais son genre. C'est dur de vivre en voyelle réelle. On se sent décalé avec tout le monde et on est seul. On n'arrive plus à avoir de la joie pour les divertissements basiques. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, bon. Jutra, c'est spirituel. L'iso, c'est magnétique, symphonique. Ça dépend, là. Mais je ne suis pas capable ni un ni l'autre. Puis il doit y en avoir pas mal qui ne sont pas capables. Moi, là, ben, c'est pour des raisons différentes, hein. Ben, moi, là, je regarde là, les histoires de gardiens de seuil, puis il y en a de l'antithisation, on se met nos propres voiles, on se met nos propres blocages, puis c'est comme le rabbin qui parle d'absolu, puis qui dit, ben, la source de la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Puis il ne voit pas qu'il y a un voile, là. Il y a un temps, en tout cas. Il me semble que chacun des deux utilise sa propre représentation en fonction de son vécu. Ouais. Mais, ouais, oui, je n'ai pas rien à dire. Vimon, on va sûrement faire une lecture de tarot si la police lui demande ses cartes. Celle-là est bonne. moi, mon premier contact avec le tarot, j'avais une dizaine d'années, puis j'avais lu Oswald Wirth. Je ne dirais pas l'opinion que j'ai de lui et sa gang, là. De toute façon, ils sont tous morts, ça fait longtemps. Mais il reste que. Juste pour vous dire, je suis au courant là, de beaucoup d'argent. C'est comme. Il y en a qui sont venus me confronter, puis tout, ils ne s'attendent pas à que j'aie lu la Bible. Ils sont habitués de s'asticoter du monde qui ne l'ont pas lu. Ah non, j'ai tout lu ça. C'est comme l'autre avec Amélie Paul, là, le franc-maçon, là, qui parle de Baphomet, qui c'est la sagesse, puis tout. Je m'excuse, là, mais j'ai une formation quelque part. Fait que je le sais de quoi je parle pareil. Puis c'est pas vrai, ça, que. Non, non, non, non, non. De toute façon, je suis pas capable d'écouter ça longtemps, là. Mais comme je vous dis, lui, il devrait se déboutonner un petit peu plus sa chemise pour avoir l'air d'un vautour comme Bernard-Henri Lévy, hein? On reconnaît un oiseau à ses plumes, dit-on. La vie n'est pas dure si tu es ancré dans le réel. Ouais. Ben, la vie n'est pas dure. Elle va rester dure, mais ça va être plus facile pareil. Mais la vie est toujours dure. Si votre vie est facile, ça veut dire que le mur s'en vient. Souvent, là. J'ai laissé car je les ai transcrits au début. Denis Jutreuil, ah oui. Savez, c'est un petit peu trop dans le. Ça fly trop pour moi. Puis le concret de la vie de tous les jours, ben. En tout cas, déboutonner ça, je me dis, ben oui, tant qu'il est habillé comme BHL, tu sais, fais-toi un coup de vautour comme lui. Hein? Moi, une de mes représentations préférées de BHL, là, il est en espèce de vautour, il vole, puis là, il chie des bombes, puis là, où c'est écrit que la paix soit. J'ai pas encore lu tout et cela me paraît bien codé en rapport avec ce que j'en ai appris quand j'étais jeune. Et c'est pour ça que j'ai pris mes jambes à mon cou à l'époque. Ça m'a pris une vingtaine d'années, certaines affaires. Puis, même j'ai des livres que j'ai réussi par contact, qui ont réussi à me envoyer des livres rares, notamment des livres liés à la mort, la franc-maçonnerie, puis tout, puis je les ai lus. Puis ça m'a pris 20 ans comprendre que c'était de la cryptographie, entre autres, ça, bon, en tout cas. Heureusement que j'ai commencé jeune. Parce que j'aurais pu, entre-temps, tomber dans des pièges comme ça. En tout cas, même les farfadas, c'était bien rodé, le piège pareil. Ben là, c'était un petit peu grossier pour. Bon, on voyait un petit peu, mais il reste que. Ouais. Il fait 30 ans qu'il fait ça à l'autre charlet, là. Yahvé, Yadalbaoth est le même Dieu. C'est-à-dire Yahvé serait le vrai Dieu et Aldabaoth, le démiurge, c'est-à-dire qu'il a créé la matrice mensonge. Moi, on tombe un petit peu dans la doctrine, le démiurge, puis ces affaires-là. Puis, c'est les ancêtres de ceux qui parlent de matrice. Mais pour moi, la nature n'est pas mensongère. La matrice, non. Désolé, là. Tu dis n'importe quoi, Christophe. Bon, Didier Duchesne, la vie devient difficile pour que on ne peut plus ne pas savoir moins. C'est la même ce qui est originel. Bonjour, as-tu un avis sur la cinématique, la sonoluminescence, les réelles images des planètes, les similitudes avec les arbres? L'affaire, là, la cinématique, c'est que les vibrations, il y a un lien avec la forme et le vibratoire. C'est surtout ça. Puis tout est fréquence. Tout. Tout est fréquence. Donc, c'est normal que les fréquences émettent des formes, puis c'est normal que les formes émettent des ondes. Puis le fréquentiel, puis l'ondulatoire, c'est pas au même degré une manifestation, mais il reste que c'est des phénomènes très intéressants. Très intéressants. Prenez quand vous faites chauffer un morceau de métal, il change de couleur. Hein? Quand il est plus chaud, il devient blanc. Chauffé à blanc. Donc, bon, je pense que c'est assez clair, là. C'est suite à mon expérience de clairaudience que j'ai commencé à m'y intéresser de nouveau, mais je suis encore un petit poussin en la matière. Ça ne dépend pas de quoi vous parlez, là. Siamhad, ça s'appelle une blague. Bon, je ne sais pas, là, je ne sais même pas à quoi vous faites. Que penses-tu de Ghislaine Langte? Faudrait à un moment donné arrêter de me dire ce que je pense d'un pied de l'autre. Ben, qu'est-ce que je pense de Guise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus que ce que j'ai déjà dit? Moi, je suis pas capable. Et j'ai jamais été capable. Je me rappelle quand elle a publié son livre La mafia médicale. Je m'en souviens très bien. Je l'ai lu. Puis, ouais. Mais c'est parce que c'était pas intelligent. Elle écrit ça sous un pseudonyme, puis après tomber dans la biologie totale. J'ai suivi le parcours. Puis maintenant, ben, je veux dire, ça va. Bon, master, c'est les chamanistes, puis les dièses. Puis... Oh! Moi, je n'ai pas la prétention d'être une divinité, en tout cas. En tout cas, ni même d'être en contact avec le divin. Prenez là, Steve, l'artiste, là, supposément que Dieu il parle, là, Christ, ça va faire. Dès que quelqu'un dit ça, là, c'est pour moi. Quiconque prétendra détenir la vérité, tu t'éloigneras de lui. En voilà une citation, là, je me souviens. des Écritures. Que pourrais-tu dire sur un phénomène vécu? Je me regardais dans le miroir et c'était comme si mon image était translucide. J'arrive pas à le décrire, mais ça me déstabilise. Ça a duré des jours. L'affaire, c'est que ça peut être plusieurs choses. Donc, c'est du cas par cas des perceptions comme ça. Parce que il y a des cas, des fois, ça peut être, je ne dis pas que c'est sur vous, mais il y en a que c'est lié à des troubles nerveux. Mais bon. I like when I see you drinking coffee. OK. Pourquoi vous m'écrivez en anglais? Oui, je connais. Je suis sûr que vous êtes capable là, de ouvrir une fenêtre Google au pire là, à côté, là, puis prenez un traducteur. Là, puis je reconnais que je ne sais pas grand-chose. C'est pour cela que je suis ici. Mais il n'y a rien à apprendre ou à comprendre. Hein. Je vais avoir passé des décennies à désapprendre ce que je croyais. Puis j'ai pas fini encore. Tellement que ça se peut que le chat est où? Ben, je pense qu'il dort. Il doit dormir. Je pense qu'il dort, là. Il doit être dans un garde-robe quelque part ou il doit être dans un lit quelque part, puis il dort. Avez-vous remarqué qu'on nous bassine avec l'inflation, mais que je vais en ville, les gens se ruent sur des achats compulsifs comme s'il n'y avait pas de problème d'inflation, donc où est le réel? Ben, oui, il y a de l'inflation. Mais les gens ont été conditionnés à des activités de compensation. Fait que plus ça va mal, il y en a certains, même plus ils sont endettés, plus ils dépensent. Donc, ce qui n'a aucun sens. Je me suis fait un cadeau dernièrement. Je me suis acheté une planche à découper. Une vraie planche à découper. Elle vient du Guangdong. Je pense que c'est une sorte d'orme. Elle est tellement dense, elle pèse 50 livres. Il y avait proche 300 timbres. Après le colis, puis ça après un bout avant que je l'aille. Elle m'a coûté 180$. Ça, ouais. Mais je suis content. Je suis content. Une bonne planche à découper qui va durer. C'est certain que quand moi je serai plus bon, elle va être encore bonne, la planche à découper. Je voulais un vrai bloc, là. Puis. Les carcasses vont passer par là. Avez-vous remarqué qu'on nous... Ben, OK, bon, il n'y avait pas de nouveau finalement. Bon, ben moi, je vais quitter. Puis, bon, j'espère que ça a été intéressant pareil. C'était peut-être un petit peu plate aujourd'hui, mais j'ai moins. Comme je vous dis, il y a des affaires que je me suis remis en question. Il y a des choses que je me suis remis à regarder ça. Elle est faite de quel bois? Je pense que c'est une sorte d'orme. Mais je ne suis pas certain. C'est un bois franc extrêmement dense. Puis, c'est... Le gars qui est venu me livrer, il devait penser que c'était de la roche qu'il y avait là-dedans. Je croyais à beaucoup de choses et changeais de croyance souvent. Oh, pas mou, je crois. Vraiment, j'ai tout le temps été... Je crois en rien. Ben, puis j'ai tout le temps été de même depuis tout petit. Dans le fond, là. Avec toi, je commence à ne plus croire à rien. C'est mieux, je parle. Ben, voilà. Ben, on est moins de surprises, hein. En tout cas. Et les couteaux, ah ben les couteaux, j'ai fait longtemps que je les ai. Je veux dire, j'ai tous mes couteaux. Mais j'ai un couperet, là. Il y a de la largeur d'un dictionnaire. Il est pour les autres parts, là. Il est tout un couperet. Mais bon, c'est tout fait par des forgerons, donc il faut que je les entretienne. Il faut que je les aiguise. En tout cas, la planche à découper, le réel, moi. J'ai failli, j'étais tellement content quand je l'ai eu, j'ai failli faire une vidéo. En tout cas, là, je pensais prendre mon couperet et dire « Mettez votre main ici » et dire « Je le jure ». La vie est neutre, le corps est neutre, ça dépend de ce qu'on nous en faisons. Moi, ça veut dire qu'à la source de ce qui fait de quoi avec, il n'y a pas de neutralité peut-être. Cessons de croire et vivons moins. De toute façon, voyez comment il y a un lien entre la croyance et la mort. Donc oui, cessons de croire et vivons. Merci Berthold, je le trouve honnête. Ah ben, je fais mon possible. Puis ben franchement, si jamais un jour, j'arrive à la conclusion que Bernard de Montréal, c'est un charlatan, puis que le supramental, c'est tout de l'autosuggestion, ben je vais vous le dire. Parce que là, je suis un petit peu dans une période à vide, puis j'attends à voir s'il se passe quelque chose. Puis on verra. Mais si jamais c'est le cas, je vais être le premier à admettre mon erreur, puis à me rétracter, puis à m'excuser. Mais à date, c'est pas jusque-là. Là. Je suis pas rendu jusque-là. Merci, au revoir, ravi de vous écouter. Prends soin de ta santé, finis-moi. Ben, je te fais un paquet aux 2 jours, là, c'est pas terrible. Ton corps mérite de la douceur. Bon. Si vous savez, là, là-dessus, par contre, là, non. Si j'ai les os des mains très solides, c'est à cause de toutes les micro-fractures que j'ai eues. Bonne journée, merci. Bonne journée à vous. Ah, Lismonde, j'ai pas eu le temps de vous lire. Dernièrement, je pensais, je dis même que je la vois, je vais dire bonjour, Malice Simonde, parce que c'est tellement pas vous. Hein. Ça pourrait être comique, par ironie. Bonjour, Berthold. Tu es honnête et sincère. Ben oui. Parce que si jamais, moi, je veux pas, comme dernièrement, il y en a, ils ont insinué, bon, peut-être j'ai guéri du monde. Puis c'est tellement pas ça que je veux. C'est tellement pas ça. Donc, oui, j'ai remis des affaires en question. Puis pas mal. Mais bon, on fait comme on peut. Pour Bernard, le discernement a déjà été exercé. Ouais. Mais il est ambigu, hein, Bernard. Il est ni tout noir, ni tout blanc. Donc, surtout pas se croire, ah ben là-dessus, je suis pas payé. Ben, d'ailleurs, c'est avec Alicement que j'ai eu cette conversation-là. Que je dis, s'il faut, je vais tout crisser ça là. Puis c'est sérieux dans le sens que si à un moment donné, je me rends compte que dans le fond, je me suis fait complètement avoir là-dedans, puis que ça ne marche pas, puis finalement, je vais le dire. Je vais le dire, mais je lui ai donné 1 mois. C'est comme Alice Monde, quand je dis je lui donne 1 mois, elle dit, à qui tu parles? De quoi tu parles? Je le sais, moi, de quoi je parle. On verra. Il n'empêche qu'il existe des phénomènes étranges liés au psychisme. Oui, mais ça pourrait être lié à de l'autosuggestion, au psychosomatisme, puis à certains phénomènes qu'on a déjà constatés dans les études cliniques de certaines capacités paranormales. Donc, ça se pourrait qu'il y ait plus d'illusions qu'on pense là-dedans encore. Donc, si jamais j'arrive à cette conclusion-là, ben, je vais être le premier à dire, ben, finalement, c'était de la merde. Parce que je n'aurai pas le choix. Remise en question égale, vous ne fermerez pas votre chaîne. Non. En tout cas, je ne la fermerai pas avant d'avoir été clair. Là. Bonjour, de quelle école philosophique tiens-tu tes connaissances? Aucune. Et que penses-tu du scepticisme scientifique? Ben, ça dépend de quel on parle, parce qu'il y a différentes. Bon, à part depuis le discours de la méthode, puis la définition de l'empirisme, puis on voit que plus on avance, plus il y a différentes visions de soi. Bon, ben. As-tu déjà été invité par Richard Glenn? Bien sûr que non. C'est un peu comme, c'est un peu comme écrire sur ta porte Bienvenue au voleur. Ouais, tu sais, je veux dire, il ne m'invitera pas. Puis s'il le fait, je vais dire non. De toute façon, il y a assez d'instinct pour savoir que je n'irai pas. Je ne veux rien savoir. Je veux rien savoir. Mais vraiment, à rien, rien, rien, rien, rien, rien, rien. Lui, puis sa gang, là, avec le feu, là, puis le patente d'initiateur cosmique, là, fuck. Fuck, non, non, non, ça marche pas avec moi, puis pas en tout. Fait que non, c'est la cohérence qui est importante. Vous êtes cohérent. Oui, l'autosuggestion va dans l'illusion, c'est très subtil, c'est ça. Pourriez-vous nous confier vos doutes? Ben, je pourrais faire ça là, à un moment donné, là. Mais il reste que, bon, le double, ça peut être une projection, une entêtisation carrément, ça en est une. Puis dernièrement, je questionnais la nature de tout. Puis j'étais vraiment en crise. Puis ouais. En tout cas, au sujet du double ou de l'ajusteur de pensée, puisque la pensée vient d'ailleurs, pourquoi ajuster quelque chose qui vient pas de soi? C'est parce que justement, en tout cas, on se fait avoir. Il y a une soucoupe volante dans sa cour. Qu'est-ce que Glenn? Ça doit être pour ça le cours de tennis, pour les atterrissages de. En tout cas. Bon, ben moi, je vais y aller. Fait que je vais souhaiter une bonne journée à tout le monde. Donc, au revoir. Tu as rêvé reformulé. D'où tiens-tu tes connaissances, des ouvrages, des références? C'est de la connaissance générale, tout simplement. Bonne journée avec les années. Bonjour, Chamian. Bonne journée. Éric, beaucoup à tous. Bon, ben, bonne journée à tous. En tout cas, je vous suis reconnaissant de m'avoir intégré un espace d'observation. Ben, je suis content aussi. Puis, au fond, ça ne m'aura pas servi à rien, tout ça. Parce que, oui, l'espace d'observation objectif, que ça soit de la marde ou pas, BDM, il reste que ça, c'est un je l'ai. Puis que je vais essayer de le garder. Hein. Une projection plus haut niveau, moi. Merci, bonne soirée. Bon, ben, merci. Au revoir à tout le monde.